contraste. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Chantonne Ryu sera avec Guyou pour la chronique du Club Plénaire QTR et on mangera quelque chose qui, espérons-le, un bon Guyou dans une grosse pointe d'allresse. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Mes gags sont plus drôles quand je suis à peine réveillé, je trouve. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 16 décembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Oh que oui! Ou si on suit le pattern à C'est Fou 89 FM. Donc aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, l'émission, Steph, on a parlé un petit peu de Charles-Antoine Rioux. Je sais pas si tu te rappelles le gag. Charles-Antoine Rioux qui va être là pour la chronique du Club Plein Air et QTR. Ça, c'était à 8h. Oh, ho, ho! Lui, il est là même la dernière semaine de fin de session. C'est un vrai... Un vrai fou. À 8h30, on va faire une grosse pointe en Dresde. Mm-hmm. Ça, c'est la chronique de Malbouffe où je trouve quelque chose dans le commerce, dépanneur, épicerie. Et puis, on le mange en direct à la radio. C'est ça, c'est de la bonne radio. Vraiment. Ensuite, on va faire à 9h ta chronique sa plus simple expression. Bien sûr. C'est que c'est ça. Comment c'est que c'est ça? C'est quoi ça, cette chronique-là? Mais c'est facile. Hein? J'explique des affaires qu'on dit, puis on sait pas d'où ça vient. Ah, donc c'est ce que ça dit dans le titre, finalement. À peu près. À peu près ça, ouais. Mais ça, on va débuter avec une double dose du poste d'écoute. D'habitude, on fait ça le jeudi. Ça débordait, je pense, hein? Petite bordée de CD. Non, pas particulièrement. Non, pas vraiment, hein, finalement. Mais c'est pas grave, c'est ça, on a assez pour faire une deuxième chronique. Ben oui. Donc commençons l'émission avec ça, tant qu'à y être, hein? Commençons pas avec... Non, on parlera pas, on arrête de parler, on parle tout le temps. On fait le poste d'écoute d'Assemblage requis. Dans le poste d'écoute. Ça, le poste d'écoute, tu me demandes pas c'est quoi? Hey, je sais pas, c'est glissant, je pense. Hein? C'est ça, le poste d'écoute? Tu mets ton CD là-dedans, puis... Puis il glisse dans le lecteur, puis il décide qui est bon. Puis il met la pièce qu'il veut. Non, ça c'est moi, par exemple. C'est toi qui décide. Ouais, ça c'est moi qui décide. Le poste d'écoute, c'est sûr que si j'en... Laisse-moi y penser, attends un peu. Le poste d'écoute, ouais. Tu sais pas? Ben non, mais tu voulais que je te laisse penser. Ah ouais, ben tu penses ça. Pas vite? Non, je veux pas que tu me le dises tout de suite, spoiler alert. Qu'est-ce que c'est? Le poste d'écoute, là, ça c'est moi, là. Je fouille dans les nouveaux arrivages de C'est Fou, de CD. Légalement. T'as même pas accès au bureau, en plus. Ça. Ben non, c'est ça, là. J'ai cassé 3 fenêtres depuis le début de la session, je pense. Et moi, je vous sors le meilleur juste pour vous. Et aujourd'hui, on s'en va entendre l'album éponyme de Brave Shores. Ouh! Je pense que ça n'a pas rapport avec Jersey Shore. Ni Pauly Shore, l'acteur des années 90. Exactement. Non. Je pense que ça n'a vraiment aucun lien. C'est plus drôle, même si c'est pas du tout humoristique, c'est plus drôle que Pauly Shore. Garantie. Ah, c'est pas dur. Donc, c'est un petit style électropop. Et les membres de cette formation-là, c'est Jay McCarroll et Stephanie McCarroll. J'imagine qu'ils sont frères et sœurs. Est-ce que tu mangerais ça, un McCarroll? Mettons dans un fast-food. Non. Non, hein? Non. Non? C'est un peu ma tante, je pense, McCarroll. C'est quétaine. Et la formation est originaire de Toronto, en Ontario. C'est leur premier maxi, qui est sorti le 28 octobre dernier. Et je propose qu'on aille tout de suite entendre un premier extrait. Et c'est World Beneath the Sea. Dans le poste d'écoute? En plein ça. Ben oui. Et tu suis... Trap! Dancing on the Water dans le poste d'écoute Assemblage requis. Et tout juste avant, dans ce même bloc, c'était World Beneath the Sea. Et tout ça, c'était The Brave Shores. Excellent. Hein? C'est-tu assez bon à ton goût? On a gagné. Ok, oui! Donc, si ça vous dit, ils sont en spectacle jeudi prochain, le 17 décembre, à Toronto. Bien sûr. Si ça vous tente de faire la route au Phoenix Concert Theater pour seulement 10$. Comment on dit? For sure. Sure. For sure. Sure. Comme for, sure. For sure, ouais. Donc, sinon, sur leur site internet, vous pouvez vous procurer leur album pour seulement 8$. Donc, vous sauvez le prix de l'essence plus 2$. ou encore un t-shirt ou une camisole, tu sais, de style Marcel. Oui, oui. Donc, vous pouvez acheter tout ça sur leur site internet. Super. Donc, pour la prochaine piste, on va aller entendre leur premier simple, en fait. Il est aussi déjà possible de visionner le vidéoclip de cette pièce. Donc, pour faire une histoire courte, c'est un gars qui souhaite avoir une tignasse glorieuse. Et au fil du vidéoclip, on le voit exploiter sa nouvelle coiffure qui change de couleur constamment, là, un peu comme des flashs de couleurs. Là, donc, ça fait un peu très disco, si on veut. Donc, le punch de la fin est quand même cocasse, donc ça vaut la peine d'aller voir le vidéoclip. Sinon, ça vaut la peine juste pour la pièce, parce qu'elle est vraiment bonne, et on s'en va entendre dès maintenant, Never Come Down. Tout ça, c'est de Brave Shores. Non, pas d'écoute! L'assemblage requis. décroche le poste d'écoute. C'était Needle and Grenade de Brave Shore. Et tout juste avant, c'était Never Come Down. Tout c'est ça, parfait. C'était dans le poste d'écoute. Et on vient d'entendre la moitié du premier maxi de Brave Shore. C'est un maxi, mais il y a 8 pièces. C'est quasiment autant qu'un album complet. Mais c'est ça, c'est un gros maxi. C'est le maximum du maxi. Un maxi mégapad. Mais. Oh, c'est vraiment un maxi à 8 pièces. Ils ont appelé ça un maxi. Ouais. Peut-être que leur premier album va avoir 16 pièces. Hein? Peut-être, mais si tu regardes la durée des pièces, c'est quand même des bons 3 minutes 30, 3 minutes. C'est toutes des pièces de longueur normale. Et 8 pièces de longueur normale, ça ressemble à un CD, mais court. T'sais. En tout cas. Et qu'on fasse. Ben voilà. Ça reste bon. Ça reste bon. C'est tout, donc, pour Brave Shores. Ben oui, c'est déjà tout. J'en aurais écouté 4 autres. Ouais, ben jeudi, peut-être dans le vrai poste d'écoute, là. Ben c'est ça, on va écouter l'autre moitié. C'était donc un poste d'écoute bonus qu'on faisait le mardi. Merci, Steph. Ça fait plaisir. Ouais. Au retour de la pause, ce sera Charles-Antoine Rioux et la chronique du Club plein air QTR. Oh! Et plus tard, à l'émission, on a aussi sa plus simple expression et une grosse pointe tendresse. Hey, je te dis que c'est une heure et demie qu'il faudrait pas qu'on manque. Vous autres manquez ça, s'il vous plaît. Ouais, non, c'est ça, c'était pas l'impératif. C'est pas très clair, mon affaire. C'est à l'infinitif. Ouais. Et plus loin encore. Fou de merveilleux. 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 16 décembre 2014, Stéphanie Paradis. Mathieu Plante. Ouais, et chaque surface une patinoire ce matin, faites attention. Hein? Non, mais à l'intérieur, ça va quand même. À l'intérieur, ça va relativement bien, c'est ça? Oui, quand même, je dirais que c'est pas trop glissant. Non, ils ont ça mis va. Du sel partout, je pense. Mais sinon, si c'est glissant, il y a des affiches de faire attention, là, avec ses crash-toing dessus. Hashtoing, c'est ça. Ouais, puis sinon, revenez de la cafétéria, puis brassez votre plat, puis je pense que du sel va sortir. À des frites, tout ça. Il y a beaucoup de sel dans les frites. Bref. Ouais, au retour, Charles-Antoine Rioux et la chronique du Club plein air QTR. Ça devrait être meilleur. C'est ça, c'est douteux ça. Ça va pas rester comme ça. Là. Non. Non, ça. Hey, c'est une erreur, le parcours. Mm-hmm. Le truc de la chatte. Les gosses sont pas encore arrivés. Faut la bête qui se grouille, le drogue est bien dans le cou. Les s'asseoir comme pour faire un assez chaud de bouquin. Avec les gars, mash up. Avec les gars, mash up. Deux ans moins quart, le drogue est déjà stallé. Ah oui, c'est Frank qui l'a pas tanké. Ben c'est toi qui pousse, man, c'est ben plate. Mais tu vas t'user sur l'asphalte. 2, 3, 4. Approchez-vous du troc. Du troc des guns, mash-up. Assois la veille et à volet. On va caler des chats. Ça veut qu'approchez-vous du troc. Des guns, mash-up. Faudra bien manger, on n'a pas une scène pour payer. Ni une ni deux, faudra bien qu'on sauve. Avant que la serveuse finisse sa pause. Avec les gars, mash-up. Avec les gars, mash-up. Pour ton bonheur, on veut être à l'heure. Mais les gars poussent trop fort, pis on défonce le mur. Oh ben c'est bien notre luck. On veut plus le stage, il reste juste le truck. 2, 3, 4. Approchez-vous du truck. Du truck des gars mash-up. Assois la veille et à votre aide. Hot puisqu'il y a le monde du capot. Ça fait qu'approchez-vous du truck des gars mash-up. Nigger nasher, my father, they have a right hot low mechanization. Both the fame got it all killed out. Mais non, c'est pas garanti. C'est pas garanti. Elle drogue la chope. Les gars de ma chope, assemblage requis. Hey, j'ai un petit cadeau pour vous autres avant de passer à Charles-Antoine Rioux. Oh. Pour toi aussi, Steph. Ben oui, j'espère. Ouais. Moi aussi, j'en veux des cadeaux. Ok, je t'en donne un. Voici les paroles des autres. Le volume de ma radio. Et cette fois-ci, on écoute la chanson thème de la chronique d'Alexandra Carignan, La boîte à musique. We'll be right back.

été faites ici à Assemblage Requis qui sont disponibles en version écrite sur le site. Cool. Sinon, la page Facebook, c'est vraiment notre outil de référence. Donc, c'est Facebook, vous écrivez UQTAIR, comme le club de plein air. Fantastique. Merci beaucoup, Charles-Antoine Rioux. Merci à vous. Joyeuse fête. Oui, toi aussi. Aussi. Puis on se retrouve en janvier. Hein? Oui, absolument. Toujours. Fouf. Toujours. Ah, une chance, hein, qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est un bon top qu'il a fait là. Vraiment bon top. Ouais, mais on se serait lancé en bas d'un pont dans le parc. On aurait rentabilisé notre abonnement. Faut pas oublier de s'abonner avant. Non. C'est pas appelé une fois rendu. Hein. Non, puis l'affaire, c'est que, mettons que t'appelles, t'es déjà dans le chute, tu peux pas t'abonner là, dans les services tout de suite. Non, c'est non. Pas quelque chose qui. T'as un délai de. Ouais, mais ils sont comme pas tant ouverts à l'idée de t'abonner et d'aller chercher là, comme dans la même journée. Ouais. C'est pas un taxi, ça, non? Non, mais tu te rappelles 10 minutes après. Hé, hey, quel hasard! Hé, ça tombe. Oups! Je rappelle du même endroit. Voilà. Donc, on prend une petite pause. Au retour, ça va être une grosse pointe à l'adresse. Oh! Ça va être bon. Et après ça, ça pue simple expression. Donc, une dernière heure d'assemblage requis pour ce mardi matin. Restez là. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mardi matin du 16 décembre 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Tantôt, avec Charles-Antoine Rioux, on parlait de choses à acheter pour Noël. On a mentionné peut-être le fait de s'acheter une escorte. Ça m'a rappelé les vulgaires machins. Voici l'escorte. Je suis un...

Les Marinelli sous la lune à Assemblage Requis. Comme on l'a dit au retour, ça va être sa plus simple expression. Oui. Avec Stéphanie Paradis. Oh oui. Notre dernière demi-heure. Mais avant ça, l'info campus. Fou d'excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, nous sommes mardi matin, le 16 décembre 2014. Stéphanie Paradis est là. Mathieu Plante. Mathieu Plante en bobette. Mathieu Plante en bobette. Non, c'est un running gag de la huître. Si tu veux commencer à l'utiliser. Ils veulent que tout le monde. Ils veulent que tu te mettes en bobette. Non, tout le monde veut que tu te mettes en bobette. C'est ça. C'est la chanson. Mathieu Plante en bobette. Mathieu Plante en bobette. Pourquoi qu'ils veulent ça? Je sais pas. Sont spéciaux, ouais. C'est des improvisateurs. Mais c'est bien que tu m'avertisses, comme ça, j'irai pas. J'irai pas à lui. Je suis sûr de pas être là. Comme on dit, hein, mange là. Tu sais, ça, c'est une expression connue. Voici sa plus simple expression. Sa plus simple expression. Moi, je vous explique pourquoi on dit ça, d'où ça vient, ouais. De casser, et toi, t'essayes de mêler les auditeurs. Ah, ben, Colin, mon talent, mon talent. Petite thématique, cette semaine, on y va avec, t'sais, les éléments de la nature, là. Hein, t'sais, l'eau, le feu, etc. Le bacon. Oui, entre autres, ouais. On sait que c'est un élément du tableau périodique. Essentiel, oui, le bacon. Oui. C'est quoi son sigle? B majuscule petit A. D'accord. On commence tout de suite avec la mer à boire. La mer... Et là, c'est mer M-E-R. Hey, là, tu me défais toutes mes affaires. OK, donc. OK. La mer à boire... évidemment, Boire étant les propriétaires de l'épicerie Boire Pocket sur à près de la côte oui, à Deux-Fesses. Oui, oui, oui, oui. Donc, c'est, ben, ils ont un petit cours d'eau dans leur épicerie. Un petit condo. Un petit cours d'eau. Un cours d'eau. Et ils appellent ça la mer à boire, Pocket. Ah, ben non. En fait, la mer à boire, c'est une entreprise longue et difficile. Oui, une là, entreprise longue et difficile. C'est long et difficile à gérer l'épicerie, ça. Donc, cette expression n'est plus employée que sous la forme négative. Ah, donc aujourd'hui, on va plutôt dire « ce n'est pas la mer à boire ». Donc souvent, pour signifier à quelqu'un qui imagine avoir une montagne à soulever que finalement, ce qu'il a à faire est bien plus facile que ce qu'il croit. Donc c'est une métaphore qui date du 17e siècle et que notre habituel ami Jean de La Fontaine utilise dans « Les deux chiens et l'âne mort ». Donc, quand on connaît la difficulté qu'il a à avaler très rapidement, qu'il y a à avaler, pas il, pas Jean de La Fontaine, mais c'est quand même drôle, hein, Fontaine eau. Donc, c'est sûr, ouais. Quand on connaît la difficulté à avaler très rapidement une bouteille d'eau entière, ben, on imagine bien que la mer à boire, ben, c'est une entreprise dépassant les limites du possible. Mm-hmm. Donc, c'est une tâche qu'on ne peut réussir qu'au prix de difficultés souvent insurmontables. Okay. Ensuite, brûler la chandelle par les deux bouts. Ben évidemment, ça c'est quand t'as vraiment vraiment faim, les mardis et mercredis à la chasse-galerie, t'as des ailes de poulet entre 6h okay. et 8h. Fait que brûler le champ d'ailes, c'est quand tu fais partir vraiment comme toutes les ailes de poulet dans le champ. Parce que t'as un champ d'ailes, que t'as une place où tu vas chercher des ailes de poulet. Okay. Ça pousse dans le sol les ailes de poulet, suis un peu. Oui, oui, oui, oui. Fait que, c'est ça. Fait que brûler le champ d'ailes, par les deux bouts, ben, tu commences du nord puis du sud. De l'Est puis de l'Ouest, puis tu mets le feu à ça. Mais tu mets une petite sauce jerk sauce. Sauce barbecue jerk. Ouais, ouais, ouais. Comme une sauce de con, tu sais, une jerk sauce. Et puis, ça te fait une chandelle par les deux bouts. Voilà. Bon. Original. Merci. Mais en fait, ça serait plutôt gaspiller, dépenser de toutes les façons possibles. Ou encore vivre sa vie de manière très intense sans se préoccuper des risques, que ce soit sur la santé, le compte en banque, par exemple, ou se dépenser, se fatiguer excessivement. Donc, toi, je crois que ça serait plus gaspiller, dépenser de toutes les façons possibles qui te concerneraient le plus. Ah, yeah, tu me connais, hein? Donc, cette expression est attestée dès le 16e siècle. Donc, pour bien comprendre la notion de gaspillage qui lui est associée, il faut remonter à cette époque où l'éclairage était procuré par des chandelles. Donc, objets plus ou moins luxueux selon qu'ils étaient constitués de suif ou de cire, mais toujours coûteux pour les maisons modestes. Donc, on peut se reporter aussi à l'expression « le jeu n'en vaut pas la chandelle ouais. » qui est reliée aussi à cette origine-là. Donc, il fallait donc utiliser ces bâtons de lumière que quand c'était vraiment nécessaire, avec parcimonie, et penser à les souffler dès qu'on en avait plus besoin. Donc, celui qui avait l'idée stupide d'allumer une chandelle par les deux bouts gaspillait le précieux objet, puisqu'il fondait deux fois plus vite, bien entendu, pour un gain de lumière qui était négligeable. Tout à fait. Je me sens obligé de faire une blague de suif acidique, on dirait, mais... Des chandelles de suif acidique. Des chandelles de suif acidique. Ensuite, toucher du bois. ça pourrait on parle donner... pas ça ton pourrait membre. Être... Ah ben là, parce que c'était pour défaire chacune de mes blagues, déjà que des fois j'ai de la misère à en trouver, je vais te faire comme si je t'ignorais complètement. Est-ce c'est que bon. ça fait deux que je devine où tu t'en vas? Non, parce qu'il y a comme pas grandes options dans ce que tu dis vers où m'en aller. Mais non, c'est que ça me ramène tantôt à la collègue du club plein air UQTR avec Charles-Antoine Rioux. On a parlé de d'amener un petit canif. Oui. C'est dans une gamme de prix de, je pense, 20-30$, quelque chose comme 20$. Oui, c'était 20$, oui. Donc, tu peux t'amener un petit canif pour te gosser tout ce que tu veux en forêt. Fait que là, bon, on se disait, tu sais, quelqu'un qui est vraiment solitaire en forêt, qui a besoin d'un petit peu de plaisir, il va se gosser un petit... pour se mettre dans le... avec son... sur le... basé sur son. Il pourrait se faire des écharpes, sauf... Si on le vernit. Sauf si on le vernit. Mais on en a pas, là, c'est juste toucher du bois. C'est ça. Donc, toucher du bois, en fait, c'est conjurer le mauvais sort. Donc, la signification de cette expression est quand même assez explicite. Il ne s'agit là que d'un geste superstitieux, souvent accompagné de la parole « je touche du bois », tout aussi efficace que de croiser les doigts. Je ne sais pas si tu t'en souviens, on avait parlé « croiser les doigts », donc on avait parlé, on avait touché rapidement à l'expression « toucher du bois ». Donc, ce geste est supposé empêcher que des bâtons viennent se mettre dans les roues des projets de celui qui y participe ou lui permettre d'exaucer ses vœux de santé, de gain au loto, etc. Donc, apparemment, cette superstition remonte à très loin, puisque les Perses et les Égyptiens la pratiquaient déjà. Donc, pour les premiers, donc les Perses, ce serait parce qu'ils pratiquaient le mazdéisme, et ça n'a pas rapport avec les voitures Mazda. Le mazdéisme. C'est pas une chanson de Noël, In excess, mazdéisme. Donc, c'est une religion dans laquelle le fait de toucher du bois permettait de se mettre sous la puissance protectrice d'Atar, le génie du feu. Pour les seconds, donc les Égyptiens, ce serait parce qu'ils pensaient que le bois diffusait une forme de magnétisme bénéfique. Au Moyen-Âge, les chrétiens disaient que l'habitude de toucher du bois venait de ce que le Christ avait été sacrifié sur une croix de bois. Donc, chaque religion a sa raison. Donc, toucher du bois était donc une forme de supplication ou de prière qui permettait de se protéger de l'adversité. Et on revient à la religion, le mazdéisme. En fait, le nom de cette religion viendrait de la langue zend. Donc, Z-E-N-D, dans lequel Mazda voulait dire « loi suprême ». Donc, une Mazda, ça veut dire « loi suprême ». Eh bien. C'est intéressant. Comme l'oiseau, la loi suprême. Okay. Mettons, tantôt, t'as parlé de se croiser les doigts. Là. Ouais, j'ai vu dans ta face que t'avais quelque chose à dire. Mettons, se croiser les doigts. Mais là, tu fais comme un combat d'épée, tu sais, avec les doigts. Parce que là, c'est se croiser le fer, tu sais, on se croise les doigts. Ouais. On se croise les doigts, là, ça fait un... Mais là, mettons, tu te rapproches d'un jeu sexuel. Fait que là, ben, ça devient de la fesse-crime. Est-ce que tu... Insère les doigts, non? Parce que c'est de la fesse-crime. La fesse-crime? Parce que je voulais insérer le gag fesse-crime. C'est comme l'escrime avec les fesses. Je voulais juste, c'est ça que je voulais faire. Mais bon, il ne fit pas vraiment, comme le doigt, si c'est trop serré. C'est rare que c'est trop serré, un doigt. Ah, non? Ben, gars. Hein? Il y en a qui sont vraiment tight. Il y a des maudites limites. S'attirer les foudres de quelqu'un. Ouais, ça c'est quand t'attires vraiment pas le mépris, mais la méchanceté. Mettons, t'es vraiment méchant avec quelqu'un, puis il dit ah, va te faire foudre! Ça, c'est les Français qui disent ça. Va te faire foudre, ça veut dire va récolter, va près d'un arbre dans une forêt, dans un champ, puis attire la foudre vers toi. Va te faire foudre, c'est connu. C'est très drôle. Ben, qu'est-ce que c'est? J'aime-le, c'est vraiment très drôle. C'est vraiment très drôle. Non, mais c'est parce que je suis pas obligée de le rire. Hein. Okay. Je peux juste l'affirmer que c'est drôle. t'es quand même pas loin, donc c'est s'attirer des reproches, hein, une condamnation. Donc, pour nous, la foudre, c'est une manifestation naturelle, bien entendu, une décharge électrique extrêmement intense qui se produit par temps d'orage, soit entre deux nuages, ou soit entre un nuage et le sol. Mais il y a à peine quelques siècles, cette petite décharge était considérée comme la manifestation de la colère divine. Hein, il ne faut pas oublier, en remontant plus loin encore dans le temps, que Jupiter ou Zeus était traditionnellement représenté tenant un ou plusieurs foudres, faisceaux enflammés qui lui servaient d'armes. Donc, en général, c'est une faute qui provoque la colère de l'autre. C'est ainsi que les foudres, au pluriel, ont été assimilées à de sévères reproches, comme Zeus ou Jupiter, à une condamnation, donc s'attirer les foudres de l'Église, par exemple, et que l'expression est apparue à la fin du 16e siècle. Eh ben, tu parles de condamnation? Ouais. Ça me rappelle, j'ai écrit un épisode de Ramdan. Ouais. C'est un script que j'ai pour une émission qui n'existe plus, mais j'ai quand même écrit un script pour Ramdan. C'est l'histoire de Manolo qui couche avec une fille. Okay? Puis là, ben, le Colin, la fille, elle tombe enceinte parce que le condom était percé. Fait que là, probablement, il n'allait pas dire persécution. T'sais. Parce que comme il disait persécution, dans l'émission, il disait tout à persécution. Fait que là, c'est persécution. Hein, parce que le condom était percé. Puis l'épisode s'appelle Condamnation. Ouais. C'est le script que j'ai. Non, ça marche pas, ça là. Faut avoir écouté Ramdan pour la comprendre. Ouais, j'imagine à la maison que vous qui avez écouté Ramdan, vous trouvez ça super drôle. Ça allait causer 3-4 accidents. Facilement. Parce que les gens sont endormis, je pense. Sur ce que j'ai raconté, plus qu'à d'autres choses. Ouais. Un soleil de plomb, Mathieu. Ouais, c'est de plomb. En fait, c'est pas de plomb, Mathieu, c'est de plomb, virgule, Mathieu. Merci, merci. Ça, c'est. C'est le. C'est. Je pense que c'était une émission dérivée. De il y a plein de soleil. Ah, yeah! L'émission de personnes âgées, mais ça s'adressait juste aux dentistes. C'est soleil de plomb. Ah, t'es con. Ah, t'es con. Ouais, je sais. Donc, soleil de plomb, c'est tout simplement un soleil écrasant, accablant. Donc, celui qui a eu l'occasion de se trouver dans des lieux très chauds savait que les rayons du soleil peuvent parfois être véritablement accablants. Donc, le soleil semble faire peser sur les épaules un poids énorme au point de rendre très pénibles certains efforts. Donc, le plomb, à cause de sa densité, est depuis longtemps un symbole très compréhensible de ce qui est pesant, lourd au sens propre et de ce qui est accablant, donc au figuré. C'est pourquoi « de plomb » est un qualificatif qu'on trouve accolé non seulement à notre soleil depuis 1835, mais aussi à la chaleur ou au sommeil, voire au postérieur. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu l'expression « un cul de plomb », qui désigne un employé de bureau toujours assis ou un homme sédentaire. Ah! Ah ben. Donc, Mathieu, tu as un cul de plomb. Merci. Ça fait plaisir. Toc, toc, toc, comme on dit. Hey, t'as parlé de densité. Je t'interromps à chaque affaire. Densité, ça a toujours rapport avec les dentistes, là? Non, je pense que c'est une nouvelle émission qu'on a assez fou de Dance Floor Music. Ouais. Densité. T'as aussi, parce que cet hiver, il va y avoir une nouvelle émission qui s'appelle Circulation Danse. J'ai tout l'impression que ça va être une émission de Dance Floor. Ah, poum, tipou, tipou, tipou, tipou. Mais sinon, c'est Circulation Danse. Tu veux-tu même dire qu'est-ce que t'as fait à matin pour être en feu de même? J'ai dormi un minimum de 6h30 environ. Oh, t'as vraiment beaucoup dormi. Ouais. Là, t'es en feu. Merci. Faire une pierre deux coups. Mon père s'appelle Pierre. Okay. S'il était alcoolique, ce serait un pierre deux coups. Parce que bloup, bloup, mais il aime pas la bière. Fait. Tu peux être alcoolique, c'est d'autres choses. C'est ça. En fait, c'est obtenir deux ou plusieurs résultats, donc atteindre deux ou plusieurs objectifs avec une seule action ou un seul moyen. Donc, cette expression est attestée chez Montaigne au 16e siècle, mais il est probable qu'elle existait sous une autre forme bien avant. Donc, la métaphore est extrêmement simple à comprendre. Donc, si quelqu'un, à l'aide d'un seul jet de pierre, arrive à toucher deux cibles différentes, il fait d'une pierre deux coups, tout simplement. Il est donc assez compréhensible qu'au figuré, ce soit aussi le cas lorsqu'on entreprend une action et qu'on obtient deux ou plusieurs résultats. Voilà. Voilà. Un chèque en bois. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Okay. Un chèque en t'as bois. T'as jamais entendu ça de ta vie? Non! Et ben pourtant, okay. Je suis certaine que t'en as déjà fait. Peut-être, oh, ça se peut, tu me le diras. Mais c'est un nouveau produit dans une crèmerie quelconque. OK? C'est un chèque au bois. On chèque un shake, on le boit. On boit le shake en bois. Un shake à boire. À boire, c'est ça exactement. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Mais non, tu vas être déçu. En fait, ça se mange pas. C'est un shake sans provision. Ah! Donc, il faut remonter aux locutions de bois qui date du 13e siècle et en bois qui date du 14e siècle, qui sont des locutions qui servaient à désigner des choses artificielles ou fausses comme une jambe de bois ou bien un sabre de bois, assez logiquement, puisque ce matériau était abondant, peu coûteux et permettait aisément de fabriquer des imitations d'autres choses. Donc, c'est une de ces locutions qu'on trouvait au figuré dans « visage de bois » pour désigner la porte d'entrée restant désespérément fermée chez une personne qu'on était venu visiter et qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans quelque chose d'également très utilisé par les faux-culs, la langue de bois. Hein? Donc, le chèque en bois désigne donc un faux chèque, un chèque artificiel en tant que faux moyen de paiement, car le montant ne pourra jamais être touché, le compte débiteur n'étant pas assez alimenté. Hmm. Donc, c'est quand tu fais un chèque, il va rebondir. Ouais. Tu parles d'un chèque en bois, tu parles d'un shake à boire. Comment appelles-tu un canin qui fait du bruit? Un canin qui fait du bruit. Un chien qui aboie. Un chien qui aboie. Un chien qui aboie. Voilà. T'es con. Ouais. Ah, c'est l'enfer. Ensuite, nivoire que du feu. Là, on parle évidemment d'un éléphant. Hein? Nivoire, comme oui. C'est encore un nivoire. Ouais. Et puis, évidemment, espèce, j'imagine, qui doit être mis... faut qu'on les brûle, en fait, les éléphants, pour pouvoir récolter leurs ivoires. Je crois que c'est comme ça marche. Donc, nivoire, que du feu. Tu mets le feu, tu récoltes les ivoires. C'est ça. Bon, c'est un peu cruel. Mais, en fait, nivoire, que du feu, c'est ne s'apercevoir de rien. D'après moi, s'il y a un éléphant en feu, tu vas t'en rendre compte. Ça va sentir mauvais. Ou ne rien comprendre. Pourquoi? Je sais pas, on dirait... vu que c'est gris comme un pneu. Ça doit être... C'est tellement pas gris comme un c'est pneu. Pas... Mais je suis sûr que c'est. Ça doit être bon, l'éléphant. Je sais pas. Pourquoi pas? Je sais pas. En tout cas. Ouais. Donc, c'est ni voir que du feu, c'est ne s'apercevoir de rien, ne rien comprendre dans une affaire. Donc, si vous regardez fixement une lueur très forte pendant quelques secondes, vous allez être ébloui et être incapable ensuite, pendant un moment, de distinguer clairement les choses qui vous entourent. Je pense que tout le monde sait ça. Donc, au 18e siècle, lorsque cette expression est apparue, cette lueur pouvait être un simple feu et le phénomène de persistance rétinienne faisait que lorsque vous n'y voyez que du feu, vous ne distinguez plus rien de ce qui se tramait autour de vous, ce qui suffirait à expliquer l'origine. Toutefois, dans le litré, on trouve une autre explication et ce serait lié à un coup fort sur la tête qui fait voir 36 chandelles et qui empêche momentanément de distinguer ce qui nous entoure. Hmm. Mais je trouve que la deuxième est un peu plus tirée par les cheveux. Je pense que la première est suffisante et beaucoup plus logique. Tout à fait. Ensuite, être terre à terre. Être terre à terre. Être terre à terre. C'est vrai que je manque d'inspiration rendu là. Hein. Pas facile, hein? Pas facile, celle-là. Non, je sais pas. Je vais la trouver pendant que tu vas parler. Ça. Parfait. Donc, être terre à terre, c'est être prosaïque, matériel, sans ambition, pardon. Ou avoir un esprit peu capable de se détacher des choses communes. Donc, cette locution existerait depuis le 17e siècle. Donc, selon plusieurs sources, elle a d'abord signifié « à ras du sol » et c'est d'abord employé au sens propre pour les chevaux ou les danseurs lorsqu'ils progressent par petits sauts. Donc, en restant toujours très près du sol, en ne s'élevant pas. Puis, à la fin du même siècle, elle a pris le sens toujours compris aujourd'hui pour désigner cette fois une personne dont l'esprit n'est pas capable de s'élever ou de faire un peu abstraction des contraintes quotidiennes. Sinon, on retrouve dans le Dictionnaire marin des sentiments et des comportements de oui. Paul Corvèze. Mon livre de chevet. Oui, j'en doute pas. Donc, on propose dans ce dictionnaire une autre origine nettement plus ancienne puisqu'elle daterait de la fin du 12e siècle où « aller terre à terre » signifiait « naviguer de port en port » ou faire ce qu'on appelle aujourd'hui du cabotage sans s'éloigner beaucoup de la terre ferme. Et ce serait de ce faible éloignement systématique de la terre que le sens figuré serait apparu. Terre à terre, pour moi, ce que ça veut dire, c'est dans le domaine, évidemment, des escortes. Hein, okay, où tu ouais. veux pas que la fille, elle parle du tout. Fait que tu veux qu'elle se tait, donc elle terre. Puis tu veux en plus le faire sur le plancher. Fait que c'est se terre à terre. On va se terre à terre. Non, mais pas à peine, celle-là. Non, mais bien essayé. Merci. Quand même. Et finalement, le dernier, avoir le feu sacré ou être tout feu, tout flamme. Ça vient ensemble. Ça, c'était le dragon dans La Princesse Astronaute, je pense. Oui, ouais, tout feu, tout flamme. rappelle-moi l'expression. Avoir le feu sacré ouais. ou être tout feu, tout flamme, comme le dragon ouais, dans ouais. La Princesse Astronaute. Avoir le feu sacré, ben clairement, je pense que c'est quand tu vois un éléphant au loin de toi. Fait que là, tu fais comme... Fait que là, tu vas sacrer parce que tu vois un éléphant en feu. Feu. Voilà. Mais tu vas faire comme yes, des ivoires. De l'ivoire. Vas-y, voir. Des ivoires. Vas-y, voir. Donc, c'est de manière générale d'éprouver de l'enthousiasme, de la passion, ou plus précisément, éprouver pour une activité. en particulier une passion, un enthousiasme qui permet de la vivre pleinement et de la continuer malgré ses aspects ingrats ou contraignants, ou avoir de l'ardeur au travail. Donc, si le terme « feu » est utilisé depuis le 9e siècle pour désigner l'ardeur des sentiments, c'est chez Voltaire, au 18e siècle, qu'apparaît le feu sacré pour évoquer des sentiments nobles et passionnés qui se communiquent entre individus. Donc, le syntagme a ensuite pris le sens le plus précis d'enthousiasme et de passion. Donc, avoir le feu sacré, c'est donc effectivement éprouver ces deux sentiments qui peuvent être considérés comme d'autant plus forts et admirables, qu'ils sont associés à une activité difficile qui impose un investissement personnel très important, voire des sacrifices, comme le sont par exemple la danse classique ou le chant lyrique. Donc, au 20e siècle, ils se sont transformés en ardeur pour donner le troisième sens proposé, donc avoir de l'ardeur au travail. Ensuite, dans être tout feu, tout flamme, on retrouve le même feu qui symbolise également la passion, renforcé par le dédoublement feu et flamme. Donc, c'est plus. Veux-tu que je te rajoute une autre définition de feu de flamme? Oui, donc. Ouais. Ça, c'est à l'époque, des hommes des cavernes, hommes et femmes, des personnes des cavernes, comme on appelle dans le monde, les personnes des cavernes. Il y avait un mouvement pour que les femmes se rasent entre gens. Déjà à l'époque, c'était déjà commencé. Okay, okay. Fait que là, l'homme de caverne était comme touf, lame. Clac, clac. Touf, touf, lame. Touf, touf, lame. Fuck. Touf, touf, lame, rase-toi. Ah, ouais. T'es bizarre. Ok. C'est drôle. Merci. Ça nous amène à parler, on a parlé tantôt d'éléphants en feu pour récolter leurs ivoires. Tu sais que c'est comme ça que ça fonctionne dans ma tête. Oui. Voici Elephant Stone et Bums Bum Away. Body and mind of land and sea. But Elephant Stone et Bombs, Bomb Away sur l'album The Seven Seas. Ça date de 2009. C'était un succès à l'époque sur le palmarès anglophone. Ça va être la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Ah, sur cette mauvaise nouvelle. Nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30 pour une nouvelle édition d'Assemblage requis. Restez à l'écoute pour le Dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, je serai de retour à 13h pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. À 15h, c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre. 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Tout ça donc sur C'est Fou, cifou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci Steph. Merci Mathieu. Merci à Charles-Antoine Rioux. Oui, mais hein. Ouais. On se quitte avec une pièce de Dumas. Vous avez l'habitude d'entendre sur nos ondes la chanson Vaudou parce qu'elle est sur le palmarès, mais étant donné que moi je me sens rebelle des fois. Ah, on met rien? Ouais. Ça va être juste la chanson thème, puis après ça va arrêter. Ok, ok. Non, c'est pas vrai. Dumas, on se quitte là-dessus. À demain, 6h30. Bye! Comme si c'était dit.